Donc, en guise d'introduction, quelques mots pour essayer de situer les deux problèmes que nous aimerions poser dans notre échange, à travers notre échange ici, et soumettre finalement à la discussion. Donc, vous le savez, n'est-ce pas, c'est donc au XVIIIe siècle, déjà au XVIIe siècle en fait, notamment avec Descartes, que est né le concept moderne de nature, une nature dans cette mesure objectifiée, une nature objet, cette nature objet qui est désormais soumise à la raison de l'homme, un homme de son côté qui est institué en sujet. Or, une tradition tenace, une tradition qui est d'ailleurs largement européocentrée, fait remonter cette idée d'une nature et d'une nature comme domaine ouvert à l'exploitation des hommes, et ceci par la raison. On fait donc remonter cette idée au concept grec de physis. Or, par un regard qui est de l'ordre de l'anthropologie et de l'anthropologie critique, physis, de fait, s'avère, en tout cas dans la Grèce classique, renvoyer d'une part à un processus de croissance, et non seulement un processus de croissance, mais également à son résultat. Benveniste, par exemple, dans le vocabulaire des institutions indo-européennes, parle à propos de physis d'accomplissement. Mais accomplissement en tant que devenir. Et par ailleurs, et souvent par métaphore interposée, ce processus auquel renvoie la physis concerne aussi bien l'ordre du végétal que le cosmos, le monde, entre guillemets, le monde physique, et puis, et surtout, la physiologie, mais non seulement la physiologie, également le caractère des hommes. Et dans cette mesure, il semble évidemment difficile d'opposer la nature, il semble difficile d'opposer en termes de physis grec, la nature objet à l'homme sujet, ou tout simplement la nature à la culture. Cette question me semble stratégique au moment où différents types de pollution, également les modifications climatiques que nous constatons, exigent de s'interroger et de s'interroger sur l'impact des activités humaines sur une nature qui est désormais, ou qui serait à envisager non pas comme un ensemble passif de ressources, un ensemble passif de ressources à disposition des hommes qui serait susceptible d'en saisir d'une part, mais aussi d'en exploiter les potentialités, mais une nature à envisager désormais plutôt comme un écosystème, et un écosystème, on le sait désormais, à l'équilibre précaire. Loin donc de constituer une nature objective qui pourrait être dominée par l'homme, l'environnement s'avère aussi indispensable à l'être humain, qu'il est par ailleurs modifié, qu'il est par ailleurs configuré par les hommes, par ses pratiques naturellement, pour parler en termes grecs, par ses technailles, par ses arts techniques, désormais par ses technologies, mais aussi, et c'est très important, par ses représentations, les représentations culturelles qu'on se fait de ce qui a été constitué en nature. Et à moins de conséquences destructrices aussi bien sur l'écosystème, en particulier le climat, mais pas uniquement le climat, que sur les populations, et les populations en général, qui sont déjà les plus précaires, ni l'homme, ni son environnement ne peuvent être envisagés en termes objectivés de ressources. Hein. On parle d'un côté de ressources naturelles, on parle de l'autre côté, et désormais, de ressources humaines. C'est évidemment un concept qui ne convient plus. Il n'y a pas donc d'un côté une nature soumise passivement à la raison humaine et de l'autre une culture des hommes qui serait susceptible, par leurs arts techniques, de tirer profit, et un système capitaliste, évidemment, un profit qui était essentiellement un profit financier, de cette nature passive. Au contraire, il y a quelque chose encore ici, hein, vous pouvez avancer, on peut les libérer aussi. Ouais, voilà, merci. Il y en a peut-être encore ce côté, non, c'est surprise. Enfin, ici, il y en a encore 4 ou 5. Là, il y en a 2. Je disais donc que, en face de cette nature considérée comme un ensemble de ressources, évidemment dites naturelles, autant les sciences de la vie que les sciences de l'homme en général, les SHS en général, nous engagent à envisager les relations entre les communautés des hommes d'un côté et leurs différents milieux en termes d'interaction et surtout en termes de réciprocité. Dans nos rapports avec notre milieu social et physique, l'essentiel est dans cette interaction, une interaction à la fois sociale, une interaction, disons, à la fois technique, sociale, culturelle, avec des écologies qui sont précisément modelées par ces pratiques techniques, mais qui sont aussi des pratiques d'ordre social et des pratiques dans les représentations d'ordre sémiotique. Qu'on le saisisse donc en termes d'anthropocène, on va y revenir tout à l'heure ou non, quel que soit le moment, par ailleurs, qu'on attribue au début de l'ère de l'anthropocène, si on la reconnaît comme telle, l'impact de notre mode de vie sur l'environnement est absolument évident. Le dérèglement écologique, par ailleurs, ne semble pas tant, et ils exigent de nous, d'une part, une nouvelle politique des sciences, c'est-à-dire, évidemment, naturellement, en collaboration interdisciplinaire, le développement de savoir, d'une part, quant aux institutions à la fois politiques, sociales, mais aussi aux technologies qui permettraient de satisfaire et de satisfaire les besoins des hommes, les besoins de tous les hommes, et de toutes les femmes. Et cela, évidemment, sans l'impact destructeur sur leur environnement, dans la pleine conscience de ces relations et de ces interactions extrêmement complexes que l'homme comme être anthropopoïétique qui se construit dans son environnement social et grâce à son environnement social, mais aussi grâce à son environnement écologique, entretient avec cet environnement qui contribue à cette construction. Et puis d'autre part, c'est l'objet évidemment de ce séminaire de politique des sciences. Cela implique aussi sans doute une nouvelle politique de la recherche qui échapperait au critère qui est celui qui domine désormais l'économie, c'est-à-dire le profit financier au service d'un capitalisme qui est non pas uniquement un capitalisme libéralisé, mais un capitalisme mondialisé dans cette mondialisation qui est une mondialisation entièrement asymétrique, qui est évidemment d'ordre néocolonial, on pourra aussi en discuter. Donc, et pour conclure, De là, la double interrogation à la base de l'échange aujourd'hui. D'un côté, la question de savoir, mais comment articuler nos savoirs pour proposer des solutions à la fois technologiques, naturellement, mais aussi politiques et sociales aux échéances auxquelles nous confronte en particulier ce qu'on appelle désormais l'urgence climatique. Mais de manière générale, il s'agit de trouver des solutions aux évolutions écologiques, mais aussi aux évolutions sociales qui sont envisagées par les climatologues. Et là, la contribution de l'anthropologie, de la sociologie, des sciences politiques, de l'économie, mais naturellement et essentiellement aussi des sciences du vivant, me semble absolument essentielle. Et d'un autre côté, autre interrogation, seconde interrogation, quelle politique des sciences promouvoir dans une recherche, dans un système de recherche public, alors que celui-ci est de plus en plus dominé par les règles du management, de ce management entrepreneurial qui porte en valeur suprême l'idée de la concurrence, l'idée de la compétitivité, naturellement dans la vue, dans la perspective de gains financiers. Nous allons, si cela vous convient, procéder de la manière suivante. Je vais d'abord et dans un premier temps donner la parole à Augustin Berck et à Christophe Bonneuil, en les remerciant d'abord de nous avoir rejoints ici, et puis ménager peut-être un petit moment pour un échange, pour leur poser quelques questions. Après, on introduira quand même une petite pause. Et puis ensuite, Janine Guesma-Michel, Benoît Hazard et Michel Levy, avant que Philippe Descola, qui a également accepté de nous rejoindre à son tour, lance le débat en posant des questions qui concernent évidemment les cinq exposés que nous allons entendre. Alors, j'ai simplement organisé le programme par ordre alphabétique. Donc, Augustin, à toi la parole.